Jean Giono, Le poids du ciel. Chapitre 1er, Danse des âmes modernes. Travailler la terre comme on travaille le fer ou le bois, mais en fer ou en bois, ce sont toujours de petits morceaux, même s'ils sont 10 fois plus gros que des cathédrales, tandis que travailler la terre, c'est quand même une œuvre cosmique pour laquelle essentiellement nous sommes faits. Et le faisant, nous accomplissons notre rôle qui est du même ordre que l'érosion des eaux ou l'effondrement des crevasses du soleil. Ça n'est quand même plus votre petite condition humaine si facilement esclave de vos lois. C'est véritablement une condition universelle. Et c'est pourquoi nous sommes les derniers tenants de la liberté et que vos lois et vos doctrines, vous êtes toujours là à essayer de nous les ajuster, mais tout le temps nous bougeons et tout le temps vos harnais éclatent. Tout ça aussi, le paysan se le dit, soyez sans crainte. Oh, bien entendu, pas en parole et peut-être pas en pensée secrète, mais ça vient. Seulement, regardez-le, maintenant. Immobile de nouveau et rêveur, au milieu de son champ, sans armes et même sans outils. Et dites-moi si vous oseriez aller l'attaquer ou même lui proposer votre doctrine. Car vous autres qui êtes, ce que j'ai déjà appelé ailleurs, de gros intelligents, et je le répète, car ça dit bien ce que vous êtes, il vous reste quand même au fond assez d'instinct pour savoir que vous pouvez tuer celui-là de paysan. Celui-là est 10 000 et 100 millions, et tuer toutes les races paysannes du monde entier, mais qu'à la fin de toutes vos batailles, ce qui restera debout, c'est une race paysanne, invincible, immortelle, imputrescible, parce que naturelle. Et c'est de ça qu'il est revêtu, l'homme pur. C'est même de ça qu'il est fait, de la tête aux pieds, sa chair, son sang, ses nerfs, ses muscles. Il est un entassement biologique de la grande vie paysanne. Il n'en est pas seulement revêtu, et alors il suffirait de le dépouiller de ce vêtement terriblement éclairant, et l'ombre retomberait sur la grande danse des âmes modernes, ce qui serait exactement ce qu'elles veulent. Mais il est entièrement fait de tous les épisodes de la vie paysanne. C'est sa chair même qui a le terrifiant pouvoir de la lumière, et il n'y a aucun espoir que vous puissiez jamais l'éteindre. Vous la voyez de trop loin. Vous êtes ébloui et terrifié par cette puissance qui, malgré vous-même, vous enivre et vous rejette, ondulant et saoulé. Vous détestez cette force que vous croyez si facilement réduire, quand vous sentez bien qu'elle est invincible, et trop loin pour la bien voir, trop haineux pour la connaître, vous essayez, même au fond de vos bataillons, de vous réconforter contre elle en refaisant soigneusement les multiplications de vos acquis. Soyez sans inquiétude. Vos opérations sont justes. Vous ne risquez pas de vous tromper. Vous avez cru donner une valeur à zéro, mais c'est toujours zéro que vous multipliez. Lui, sa cervelle est une sorte de gros placenta rouge, lourd de nourriture et solidement attaché au ventre du monde. Il a une vie toute simple, enroulée sur lui-même. Et vous qui vous trémoussez sans arrêt dans le délire flagellant de vos systèmes sociaux, vous dites « il végète », alors qu'il est ancré par des conduits de chair jusque dans le gouffre voluptueux des aurores boréales. Les artères de l'univers l'irriguent sans changer de ruisseau. Les lois cosmiques, il ne les connaît pas par l'ouï-dire d'une cervelle en papier mâché, elles coulent directement dans sa chair, ordonnant sa vie, sa force, sa paix et sa raison. C'était Le poids du ciel de Jean Giono, lu par Denis Podalydès de la Comédie-Française.